penser à toi. Reviens-moi, oh, reviens. Et toi, toi qui es parti loin de moi, écoute le son de ma voix et reviens-moi. Reviens-moi, reviens-moi, reviens-moi.